Leçon 2. Activité 2A. 1. Cette question te plaît-elle? 2. Quand comprennent-elles? 3. La France te manque-t-elle? 4. Que répond-elle?